Judith Clerc, que va néixer el 4 d'octubre de 1947 a París. El seu nom de pila era de Paul Alain Leclerc, que va canviar el 1968 a Julien, com va firmar un contracte en la companyia Pathé Marconi. Per influència dels seus pares, tocava el piano des dels 6 anys i va començar a compondre cançons quan a la universitat va conèixer Maurice Vallet i Etienne Rodagil, dos dels principals autors de les seves cançons. La seva carrera artística va ser meteòrica. Als 24 anys d'edat ja tenia la seva imatge de cera al Paris Musée Grévin i el 1974 va rebre 5 discos d'ors per les seves vendes, i també als anys 70 va ser protagonista en algunes sèries televisives i al cinema. Senorian era el tema que escoltàvem i que ens acompanyava amb la música de Julien Clerc. És el personatge que avui la Norma ens ha recomanat. Hi ha una cançó molt especial que ens aporta, que es diu Ma Preférence à Moi. Només jo sé quan té fred, les seves mirades només em miren a mi. Preciosa la lletra d'aquesta cançó, tan, tan i tan romàntica. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. M'encanten, ens encanten aquestes cançons que ens obsequia, aquests regals que ens dona la nostra oient la Norma amb les seves cançons. Julien Clerc l'hem redescobert gràcies també amb ell i a les seves cançons i propostes musicals. Una altra de les cançons que ens en recomana és una de les peces que ens parla d'una cambrera que volia anar a ballar rock and roll. La cançó que ens porta i que ens recomana per al programa d'avui d'en Julien Clerc és Lili Voulet, Allez danser. On y est entré dans le snack bar. Il devait être au moins minuit. D'ailleurs, on peut lire encore aujourd'hui, au-dessus de leur lit, dans l'île Afrique, dans un cœur en bois gravé au couteau. Bon rock and roll cantat en francès i aquesta cançó, una cambrera que volia anar a ballar rock and roll, són el començament del nostre espai de Olala Music, les propostes musicals de la nostra encantadora Norma, que ens encara recomana una cançó més i amb un proper programa seguirem amb Julian Clarke, igual que molts altres artistes que ens recomanen les seves cançons avui, d'aquest personatge que ha mantingut la seva vigència musical en els darrers anys i que també ha dedicat gran part del seu temps en causes humanitàries. Així fou com el 2003 va ser anomenat com ambaixador de bona voluntat de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR. Julian Clarke s'acomiada d'aquest programa de la Music amb una cançó anomenada Melissa. Aquesta, diu la Norma, que ens agradarà o que m'agradarà, perquè aquesta noia, la Melissa, sempre està despullada. Melissa. D'accord. Melissa, métisse d'Ibissa, vit toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Melissa me tue. Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu. Oh, c'est indécent. Elle crie, mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe pendue, en sous mon grand plan, tout un tas d'individus. Noir et blanc, Mélissa métisse d'Ibissa, Adressa tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Descendez, ça c'est défendu, maté chez les gens. Elle crie, mais bien entendu, y'a jamais d'argent. Elle crie, c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police s'est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mélissa métisse d'Ibissa a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Aquesta era la música de Julian Clarke amb el programa d'avui, les recomanacions de la Norma amb les seves cançons Ma Preference de Moi, Lili Voler, Le Danse i aquest Senerian, que és el que ha obert amb el seu programa, i aquesta Melissa, són les peces que ens han acompanyat. Després d'aquests temes, hem de continuar i ho farem amb la recomanació d'un altre personatge, d'un altre bon amic, d'un altre gran professional, com és l'Àngel Rodríguez, a qui donem la benvinguda a la participació d'avui a Hola La Music. Benvingut, Àngel. Hola, amics, què tal? Patricia Cass és una cantant francesa nascuda l'any 1966 a la regió de Lorena, a només 15 quilòmetres d'Alemanya. L'any 2009 va representar el seu país a Eurovisió amb la cançó Et s'il fallait le faire. Va quedar en vuitena posició. Patricia Cass és actualment una de les cantants contemporànies més importants de la cançó francesa. A part, també és artista de diferents obres de teatre, de cabarets. A l'edat de 8 anys ja trepitjava els escenaris. L'escoltem amb la peça que va representar Eurovisió, Et s'il fallait le faire, és de l'any 2009. S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière, que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire, lever les vents contraires. Dans un désert sans vie, je trouverais la mer. S'il fallait le faire, j'arrêterais la pluie. Elle fera demi-tour le reste de nos vies. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Tu regardes encore dans le fond de mes yeux, que tu y vois encore le plus grand des grands feux, et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'envoles, je suivrai si je peux. Et s'il fallait le faire, je repousserais l'hiver à grands coups de printemps et de longs matins clairs. S'il fallait pour te plaire, j'arrêterais le temps. Que tous tes mots d'hier restent à moi maintenant. Je regarde encore dans le bleu de tes yeux, que tes deux mains encore se perdent dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand, et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps, si c'est ça que tu veux. Je veux bien tout donner, si seulement tu y crois. Mon cœur veut bien saigner, si seulement tu le vois. Jusqu'à n'être plus rien que l'ombre de tes nuits. Jusqu'à n'être plus rien qu'une ombre qui te suit. S'il fallait le faire, esteu escoltant Hola La Music. Un homme s'est levé, le monde s'est mis en marche. homme s'est levé, un homme s'est levé. Un homme a crié comme un cri qu'on arrache à un nouveau-né. Une foule est née, la foule a grondé comme les dieux qui se fâchent du monde piétiné, des mers abîmées. Un homme a saigné sous le feu des mitrailles, les toits bombardés, les terres brûlées. Un homme, c'est pas un chien, mais ça remue la terre, et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Un homme, c'est pas un saint, c'est l'homme en poussière, et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Pleurer des milliers d'innocents, le monde a pleuré, le monde a pleuré. Un homme a chanté pour unir les vivants, le monde a chanté, le monde a chanté. Un homme a prié dans un temple païen et l'a pardonné, la haine effacée. Un homme a aimé, sauvé l'humanité. Un homme a aimé, le monde est sauvé. Un homme, c'est pas un chien, et ça remue la terre, et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Un homme, c'est pas un saint, c'est de l'amour qui se perd, et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Et ça fait tourner le monde. Je fais la somme d'une tonne de vie qui déconne. Plus rien ne m'étonne. Tant pis, j'abandonne. Un homme, c'est trois fois rien. Et ça bâtit des murs. Et ça fait tourner le monde. Ça fait tourner le monde. Un homme, c'est tout ou rien. C'est sans demi-mesure. Et ça fait tourner le monde. Aquest és un personatge que ens acompanya, un dels àlbums més venuts contemporanis a França, Claudio Capeo, amb el mateix nom, i un personatge que ens ha arribat, és una sensació del pop en francès, Claudio Roucolet, es diu, va esdevenir bastant important en el món de la música internacional, sobretot a l'atenció del públic el 2016, quan va participar a The Voice a França, la temporada número 5. Nascut a Sarnay el 1985, ens acompanya avui amb les seves cançons i la seva música, una música que, sens dubte, és interessantíssima per tots nosaltres per escoltar. Claudio Capeo ens seguirà acompanyant després d'aquest Safé Tourné Le Monde amb una altra cançó d'aquest àlbum que ens porta la bona música francesa d'actualitat. Je souris avec tout, ce qui m'arrive c'est normal. Me direz-vous, car après tout, ça ne durera pas toute une vie. J'irai jusqu'au bout de mes rêves comme un fou. Et ce quel qu'en soit le prix. Qui croit emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai, ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire se répète, seul change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles. Tôt ou tard, je sais, il fera beau. Regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Je me pose des questions qui restent sans réponse. Faut-il que je ralentisse ou faut-il que je fonce? Sans le vouloir, j'ai l'impression de me perdre, de tomber dans le noir. Qui croit emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai, ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire se répète, seul change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles. Tôt ou tard, je sais, il fera beau. Regarde le ciel, regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps.

Així hem redescobert l'actualitat de la música a França amb Claudio Capeo. Són els acords d'una cançó fantàstica de la Vion House amb la seva interpretació de Grace Jones. Ella serveix sempre, ja des del primer dia, per casualitat, però és que a més ens va encantar per donar entrada en una de les col·laboracions del nostre espai de Oh La La Music. Des del primer dia que ens acompanya, i és un plaer en Ciril Torres amb la seva recomanació especial, que avui serà la següent. Benvingut, Ciril. Gràcies, Rafael, i doncs, encantat novament d'estar aquí. Novament en col·laboració amb el Fabià, que és qui ens va arxivant els temes d'aquests darrers programes, i seguim una mica amb la línia d'aquesta Vion House de la Grace Jones, que és el que ens acompanya com a jingle per a introduir aquest mini espai dins de l'Ola La Music. Seguim a la pista de ball, de fet, i ens anem amb una formació que són de Toulouse, que és una ciutat que, a més, jo li tinc una apreci i una proximitat especial, que és també d'on ens porta la recomanació al Fabià. I en aquest cas són tres d'origen francès, portuguès i alemany, aquest sud de França eclèctic i multicultural. Com us dèiem, clau de música de ball i de música, doncs, el que seria una mica l'herència dels anys 80, de la música de disco. Ells són Hypnolove, que és aquesta formació de Toulouse. Hypnolove, jo crec que ja doncs, marca una certa tendència a el que escoltarem, i el tema preciós, íntim i alhora doncs, amb una intensitat molt suau, és Mademoiselle. Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle, voulez-vous chanter? Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi ce soir? Mademoiselle, Així és la música i així és la companyia de les recomanacions amb aquest tema de Hypno Love, aquest mademoiselle de, que ens ha portat en Cyril Torres amb el programa d'aquesta setmana de Olala Music. I ara fem un salt quàntic en el temps per marxar 100 anys enrere a l'antologia que ens han fet a mans, l'antologia de la música enregistrada, de la cançó francesa enregistrada, amb temes que parteixen des de l'any 1920 i fins al 2000. Cada dia, cada programa, cada setmana intentarem escoltar algun d'aquests temes, tot i que, ja ho haig de confessar, molts d'ells, se senten horriblement malament, però hem de pensar en això, enregistrats 100 anys enrere. És una història de la música que no vull deixar perdre tampoc els nostres oients. Aquest Jazz Vance Partout d'Ali Vert des del 1920 n'és una mostra. Dans les dentistes et dans les bars, tous les assistants demi-mondaines et fêtards sont épouvantés, les emparés, cervelés par une musique endiablée qui fait fureur en vérité. Je pensais l'autre soir devant un de ces établissements, mais c'est à n'y pas croire le bouquin que l'on faisait latin. Je m'en suis éloigné, mais comme elle sévit sous côté, cette nouvelle maladie m'a gagné. Ça va faire, oui ma chère, sensation, car ça tourne à l'obsession. Il y a du jazz band le jour, la nuit, il y a du jazz band partout. C'est le grand succès de Paris qui rend les hommes fous. Ça se joue de façon parfaite, avec la flûte, les castagnettes. Banjo par-ci, grelo par-là. C'est excitant ce petit truc-là. Il y a du jazz band le jour, la nuit. Il y a du jazz band partout. C'est le grand succès de Paris qui rend les hommes fous. Faites du jazz band mes demoiselles, vous m'en donnerez des nouvelles. Ici en dessous, dans tous les trous, il y a du jazz band, il y a du jazz band, il y a du jazz band, il y a du jazz band, du jazz band partout. Complètement dingo et dégoûté de la société, je revenais toute beau me réfugier près de ma moitié. Mais comme ça pris il y avait 6 mois que j'étais partie. Ma femme en meurt voyant ses clés, d'où vient du don, ses abrutis. Puis très emballée avec les chaudrons, les casseroles, là qu'elle prend l'idée de me faire du jasement sur la gueule. Elle casse en façon le mobile et la suspension, et brise en 6 morceaux le vin de poisson. Du mignon, je te pardonne, au dodo, viens redire à mon rondo. Il y a du jazz band le jour, la nuit, il y a du jazz band partout. C'est le grand succès de Paris qui rend les hommes fous. Ça se joue de façon parfaite, avec la flûte, les castagnettes. Banjo par-ci, grelot par-là. C'est excitant ce petit truc-là. Il y a du jazz band le jour, la nuit, il y a du jazz band partout. C'est le grand succès de Paris qui rend les hommes fous. Faites du jasmin de mes demoiselles, vous m'en donnerez des nouvelles. Ici en dessous, dans tous les trous, il y a du jasmin, il y a du jasmin, il y a du jasmin, il y a du jasmin, du jasmin de partout. Personatge nascut com a Henri Alivard de Carpentres, a França, el 3 de desembre de 1889. Ens arribava amb aquesta cançó, va morir a Marsella, el gener del 1951, un autor, actor i cantant francès, conegut amb aquest nom d'Alivard, que ens arribava des d'aquest enregistrament del 1920, ni més ni menys. Dren també era un d'aquests personatges del mateix any, amb una segona peça que escoltem des del 1920, Catch Tom Piano. Murmurez ceci, prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta, mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette. Ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Je dis ça surprise, il faut que tout le monde soit averti. Dans un des dansants, je cours immédiatement. Quatre musiciens de très beaux nègres havaïens se grattaient sans douter de rien. Au maestro des quatre négros, je chantais mon pauvre gros, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. L'autre jour à Bruxelles, je pars acheter de la dentelle. Quand sur une fontaine, je vois qu'elle s'en gêne. Un gosse plein de vis qui nous montrait son appendice. C'était le mannequin bis. Lui dit mon fils, c'est de la folie, nous montrait ton nombril. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. La música del 1920 que hem recordat amb aquests dos personatges a través del nostre espai que continuaran en properes edicions d'Olala Music. Ara és el torn d'escoltar la música d'un intèrpret més contemporani, nascut el 4 de gener del 1963 a París, intèrpret de guitarra, ukelele, piano, harmònica, orga, banjo, multiinstrumentalista, com veieu, i personatge prou conegut també per les seves composicions. Estem parlant de Thomas Fersen, així es fa dir en François-Louis Gontard, el seu nom de naixement real, que va néixer el 63, com hem dit, a París, i que ens va acompanyar des del 1988 quan debutava en cançons, com per exemple aquesta del seu quart àlbum, que es deia Irene. Quand je bois une bière de bohème, moi qui suis un buveur d'eau, je vois le rose pachyderme, mais cette fois il y a du nouveau. Quand je bois une bière de bohème, pas le moindre éléphant d'eau, je reçois mademoiselle Irène dans le réduit de mon cerveau. Elle illumine ma lanterne, certains prénoms sont si beaux. Je reçois mademoiselle Irène comme une colombe dans mon chapeau. Je reçois mademoiselle Irène dans le réduit de mon cerveau. Est-elle cette maison de reine dans votre annuaire des châteaux? Si je pouvais saisir les rênes, détourner cette rame de métro et prendre la fuite à Varennes au lieu de me rendre au bureau de poste où je trie des centaines, des milliers de colis postaux. Je confonds reine avec Irène dans le réduit de mon cerveau. Parfois je m'endors sur la chaîne et j'entends qu'on dit dans mon dos qu'à 15 ans j'ai pas eu de veine de piquer avec le fuseau. Si j'avais une fée pour ma reine, je lui demanderais ce cadeau, me donner les lèvres d'Irène plutôt que la brûlure d'un mégot. Et comme dans les livres d'étrennes, on s'enfuirait dans un traîneau, emmené par quatre reines avec le tintement des grelots. Et quand vient la fin de semaine, que faire de mes jours dormir avec Irène. Mais comme je n'ai pas de culot, je vais seul à la fête foraine. Et je me fais tirer les tarots par une cartomancienne pour savoir quel sera mon lot. Et selon cette bohémienne, mon avenir est clair comme de l'eau. Elle voit de roses pachydermes et une solitude sans défaut. Aquesta és la música que hem escoltat. Aquesta és la cançó d'en Thomas Fersen, anomenada Irene, un personatge que abans de dedicar-se a tocar el piano en diferents cafès, teatres, havia participat en una banda de punk. El seu primer àlbum, el 1993, li va portar un èxit immediat. És un poeta que disfruta, que gaudeix interpretant, jugant amb el llenguatge. Escriu les seves lletres exclusivament en francès, fent servir paraules, ritmes, símbols i imatges del món animal o vegetal. Cançons com, per exemple, aquesta que ens escolta, que ens porta des d'aquest quart àlbum que editarà. La cançó és Le Malheur du Lion. Au café rêvait un lion, devant sa consommation. Il voit venir une abeille, vêtue d'un tailleur querelle, de noir avec le soleil, une petite merveille. Elle grésille, elle bourdonne, avec l'accent de Narbonne, et gentiment elle butine un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion devant sa consommation. Il voit venir un moucheron vêtu d'un complet marron, avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front, qui grésille, qui s'éseille avec l'accent de Marseille, qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Petit, je suis le lion. Allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu s'éseilles, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux battre avec lui. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort. Le lion n'a rien vu venir, le moucheron sans prévenir lui a mis un coup de Satan à la pointe du menton. Il n'en revient pas le lion, et ce n'est qu'un échantillon. Un coup dans les testicules, ça c'est de la part de Jules. J'aime pas tellement qu'on me bouscule quand je me rince les mandibules. Cette histoire est une fiction. Moi, j'ai rencontré le lion, je lui ai mis, c'est ridicule, un coup dans les testicules. Il m'a dévoré tout cru au beau milieu de la rue. Je grésille, je s'éseille, et dans le dos où j'ai des ailes, j'ai l'éternité au ciel grâce à mon exploit de la veille. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da El meu amic Hamid ho diu, viatjant i viatjant cap aquí, cap allà, buscant diferents països, diferents cultures, però totes unides amb un nexe comú, que és la música en francès. I avui veurem quin és el tema, quina és la nació, cap on anem, cap on viatgem amb en Hamid. Hamid? Ce que j'appelle la musique sans frontières, et avec l'ONVI, soi-disant, Orchestre National de Barbès, avec une chanson qui s'intitule No, No. No, no, no, no. Va pas rester comme ça, va se croiser les bras. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Oh, no, no. Est-ce qu'on est tous là? Ne manque que toi. No, no, no, no. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. Quelle est donc cette mine que tu portes sur toi qui a bien pu te mettre dans cet état? Et tu es là planté, attendant que ça se passe. Et il ne tient qu'à toi que se brise la glace. Nous sommes tous du même diamant. 1, 2, 3, 4 face un seul éclat. Nous sommes tous des quatre vents. Et l'on résonne. Le signe là. Le signe là. Ayabarka la comédie. Ayabarka, oui, ça suffit. Ayabarka la comédie. Ayabarka, oui, ça suffit. No, no, no, no. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Oh, no, no. Est-ce qu'on est tous là? No, ne manque que toi. No, no, no, no. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. Allez, viens transpirer tes chagrins retenus. Enlève cette vieille peau, mets-toi à nu. Sous l'épiderme, il y a la plage. Quelques gouttes de sueur de l'atmosphère de la moiteur. Tu gagnes au champ, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Rendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes au champ, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Ce que l'on aime. La part des anges. La part des anges. La part des anges. C'est la part des anges. Va rester comme ça, va se croiser les bras. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. No, no, no, no. Va pas rester comme ça, va se croiser les bras comme si comme ça. Oui, quoi? No, no, no, no. Mais oui, dis-moi ce qu'il y a au fond de toi. Derrière chaque poitrine, les cœurs font leur cuisine. Tout le monde a sa recette, toi tu es un esthète. Ne pas être un manchot, fut-il un empereur. Croire en soi, telle est la loi, tu sais servir de tes dix doigts. Tu gagnes, on change, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, rendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes, on change, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, ce que l'on aime. La part des anges, right. La part des anges. La música i la companyia que ens arriba a través del nostre espai. Excepcional! Hamid? Oui, oui, ça nous invite à danser l'Orchestre National de Barbès de l'Algérie. Aquesta és la música de Hola la Musique amb Rafael Corbí. des milliers et des milliers d'années. Amb aquest petit tema de Yves Montand, Le Jardin, ens acomiadem. Serà fins la propera setmana a Hola la Music amb Rafael Corbí. A reveure. La petite seconde d'éternité où tu m'embrassais, où je t'ai embrassé un matin dans la lumière de l'hiver au parc Montsouris à Paris. À Paris sur la terre, la terre qui est un âme.